France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Vous ne soupçonnez pas la sottise et la méchanceté de ceux qui vont au théâtre. D'où les cabales contre un dramaturge. D'où surtout la cabale contre une pièce, Phèdre. Du coup, cette année-là, il y eut deux Phèdres au répertoire à Paris. Une exécrable et l'autre, celle de Racine, bien sûr. Phèdre, là où l'on touche l'enfer de la passion humaine. Abominable, pitoyable Phèdre. Mais il n'était pas question que de Phèdre dans l'émission qui vient, écho du grand siècle d'Andre Racine. De Bérénice aussi, et d'Iphigénie, et de beaucoup d'autres créations de Racine. Et également de la Champmêlée, en chair et en os, qui interprétait les créatures de Racine. Pas toutes, cela dit. Les relations entre un auteur et son actrice favorite peuvent évoluer. Tendre Racine, première diffusion sur France 3 nationale, le 28 janvier 1963. Écho du grand siècle. Personne n'avait plus de fond d'esprit, ni plus agréablement tourné. Rien du poète dans son commerce, et tout de l'honnête homme, de l'homme modeste, et sur la fin de l'homme de bien. Qu'en dites-vous? N'est-ce pas une belle épitaphe? Et pour un poète, précisément. Qui a écrit cela? Le duc de Saint-Simon. Et de qui? De Racine, madame. De Racine. La radiodiffusion télévision française présente Tendre Racine par Georges Saunier. C'est Jean Levray qui interprétera le rôle de Racine et Sylvia Montfort celui de la Champmêlée. Jean Topard sera Boileau des Préaux, Pascal Mazotti le Bel Esprit, Yvonne Farvel la Dame, Jacques Bretonnière Monsieur Hamon, Lily Siou et Jacques Fayet les Témoins, avec Marcel André dans le rôle du Grand Arnaud. C'est une émission de Lily Siou, réalisée par Bronislav Horowitz. Saint-Simon écrit aussi le célèbre Racine, si connu par ses belles pièces de théâtre. N'est-il pas frappant de constater que les contemporains de Racine ne nous ont laissé que si peu de témoignages sur sa vie? Il y a là de quoi rêver. Mais alors sur quoi se fonder pour tenter de cerner ce visage à la fois illustre et mystérieux de Racine? Sur des centaines de portraits, brossés par des hommes de talent, de vérité ou de passion, dont aucun ne l'a connu. Mais encore, et surtout, sur l'œuvre de Racine lui-même. Ce portrait définitif, irréfutable, fait de l'intérieur, et qui nous livre de lui peut-être ces traits essentiels qui manquent fatalement à tous les autres. Voulez-vous dire par là que l'œuvre est le fidèle reflet de l'homme? Je veux dire que Racine, comme presque tous les grands écrivains de ce siècle de rigueur et plus encore, a mis tout le génie de sa vie dans son œuvre. Je veux dire aussi que dans la mesure où tout créateur tire ses créatures de sa propre substance, tout comme Flaubert put se targuer d'être la Bovary, Racine fut tous ses personnages clés. Hermione, Agrippine, Bérénice, Phèdre, pour n'en citer que quelques-uns. Je remarque en tout cas que vous n'avez nommé là que des personnages féminins. Parce que la femme est contre l'homme, la passion opposée à la raison. Et parce que Racine, cet enfant élevé par des femmes, sainte, mais toute brûlée d'amour mystique, Racine, dis-je, fut un homme de passion, de toutes les passions humaines. Et puis enfin, de la seule passion de Dieu qui s'en nourrit et les absorbe toutes. Je crois vous comprendre. Il s'agit là, d'après vous, d'un itinéraire spirituel, d'une aventure intérieure. En est-il d'autres? Je vous écoute. Alors écoutons plutôt tous deux. Et dès les commencements, nous sommes à Port-Royal des Champs, aux environs de l'année 1650. Qui es-tu, petit? Comment t'appelles-tu? Jean Racine, monsieur. Comment, c'est toi, le petit Racine? Le neveu de notre mère Agnès de Sainte-Thècle? Oui, monsieur. Et le petit-fils de madame Marie Desmoulins? Je l'ai connu autrefois à la Ferté-Milon, où ces messieurs et moi avions dû nous réfugier. C'est une bonne et sainte femme. Et toi, mon enfant, que fais-tu là? Mes parents sont morts, monsieur. Ma grand-mère m'a élevée et elle vient maintenant vivre ici auprès de sa fille, notre mère Agnès. Ainsi te voici des nôtres, petit bonhomme, au milieu de toutes ces vieilles gens. Je ne sais pas si je resterai bien longtemps. Il est question de m'envoyer au collège de Beauvais. Ainsi n'auras-tu pas le temps de t'ennuyer parmi nous? Mais je ne m'ennuie pas. Que faisais-tu quand je suis arrivé près de toi? Je regardais. Et que regardais-tu? Nos maisons? Elles sont si belles dans ce vallon. C'est vrai. Là se trouve le bonheur véritable. Toute l'agitation du monde s'arrête à notre porte. Tu es encore trop jeune, mon enfant, pour le comprendre. Mais je suis sûr que tu le sentiras un jour. Et je voudrais te souhaiter de ne jamais quitter cet asile de paix. Ou du moins, de lui revenir toujours. S'il vous plaît, monsieur, qui êtes-vous? On m'appelle monsieur Hamon. Et j'exerce ici la profession de médecin. Oui, j'essaie de soigner les corps. Et ce n'est pas toujours facile. On devrait avoir moins de peine avec les âmes, qui, elles, sont immortelles. S'il vous plaît, monsieur, puisque vous êtes médecin, vous devez connaître les simples. Il y en avait beaucoup à la Ferté-Milon dans la campagne. Oui, je connais les simples. Et je connais bien d'autres choses aussi, que je t'apprendrai si tu le veux. Viens avec moi, petit. Donne-moi la main. Et l'enfant partit, sa petite main dans la main de l'homme vieillissant. Pourtant, ne devait-il pas faire ses études à Beauvais? Si, mais quelques années plus tard, adolescent, il revint à Port-Royal. En cet instant décisif de la vie où le caractère jusque-là indécis prend vigueur et forme, il vécut au milieu de ces solitaires à la fois savants et simples, dont le bien était la seule maxime. Prenons, si vous le voulez, l'affaire au moment où notre jeune Racine, frais émoulu de Port-Royal, se trouve brusquement jeté dans le siècle. Il connaît tous des livres et ne sait rien de la vie. Il est beau, il a 20 ans et une grande faim à contenter. Il a tout pour plaire, si ce n'est toutefois la naissance qui importe. Il lui faudra donc être habile, cultivé, pour reprendre les termes de Pascal, l'usage délicieux et criminel du monde. Cette obligation lui est douce. Trop jeune pour jeter un regard en arrière, il croit bien vite oublier ce Port-Royal de ses sources et ne pressent pas qu'incapable de jamais s'en déprendre, il lui reviendra par la voie la plus détournée, la plus mystérieuse. Oui, pour Racine du moins, la grâce aura passé par le théâtre. Apportez-vous des salons où vous fréquentez? Il nous est arrivé de province, madame, à ce qu'on dit, un jeune loup aux dents très longues, qui ne sait rien encore du monde, mais devine miraculeusement tout ce qui peut lui en être utile. Oh. Il se répand partout, il a de l'ambition, de l'habileté, et même du talent, paraît-il. Oh. Et comment s'appelle votre jeune poète? Jean Racine, madame. Racine? Non, vraiment, ce nom-là ne me dit rien du tout. Comptez sur lui pour le faire bientôt connaître. Dès ses premiers pas dans le monde des lettres, Racine en effet a des protecteurs qui s'appellent Chapelain, Perrault et bientôt Henriette d'Angleterre. Il a aussi des amis qui se nomment Levasseur, Chapelle, Molière, La Fontaine, Boileau des Préaux, et dont le dernier peut-être est le seul véritable. Reconnaissons du moins qu'ils étaient bien choisis. Les esprits hors du commun se reconnaissent entre eux. Mais poursuivons ce raccourci. Ah, madame, je vous rencontre à point. Cela m'étouffe, il faut que j'en parle à quelqu'un. Mais de quoi, grand Dieu? Savez-vous ce qu'il s'est passé d'inouï hier à l'hôtel de Bourgogne? Mais non. Oh, on n'a jamais vu cela. Enfin, je vous écoute. Eh bien, apprenez qu'on y a représenté la nouvelle pièce de Monsieur Racine, Alexandre le Grand. Comment ? Mais je croyais que Molière l'avait déjà fait jouer ces jours-ci par sa troupe une fois ou deux. C'est on ne peut plus vrai. Molière, qui est des amis de Racine, lui a pris sa seconde tragédie comme il avait déjà pris la première. Vous voyez comme il en a été remercié. Et qu'a-t-il fait alors ? Et que vouliez-vous qu'il fît ? Tout s'était passé naturellement à son insu dans le plus grand secret. Apprenant enfin que les comédiens de l'hôtel de Bourgogne allaient jouer Alexandre le soir même, il ne lui est resté d'autre ressource que de décommander sa propre représentation. Incroyable, on est fou. Mais... Ce n'est pas tout. La meilleure comédienne de Molière, la Duparc. Eh bien, on dit que Molière l'aime beaucoup. Et après, il n'y a pas de mal à cela entre ces gens-là. Sans doute, mais Racine l'aimerait aussi. Oh. Entre autres. Et on dit aussi qu'elle le préfère à Molière et ne tardera certainement pas à abandonner tout à fait le pauvre homme pour suivre son amant dans la troupe concurrente. Fui, quel monde ! Et Racine est l'ami de Molière ? Oh, que serait-ce s'il ne l'était pas ? Mais enfin, quelle raison a-t-il d'agir ainsi ? Oui, Racine, quelle raison avez-vous d'en user ainsi envers Molière, qui n'a jamais eu que de bons procédés à votre endroit ? Boileau, mon ami, je vous croyais trop clairvoyant pour me poser une telle question. Ne voyez-vous donc pas que Molière n'est pas un tragique ? Et qu'avec lui, toute sa troupe, si j'en excepte Marquise Duparc, conduisait ma pièce au désastre. Vous la lui avez pourtant bien confiée, comme vous lui aviez auparavant confié la Thébaïde. Faute d'autres possibilités. Après tout, mieux vaut sans doute être joué médiocrement que de ne pas l'être du tout. Je ne connaissais que Molière. Mais quand l'hôtel de Bourgogne s'ouvre à moi, pouvais-je un instant hésiter ? Ma tragédie, elle demande à vivre. Il fallait donc bien choisir, et je me devais à mon œuvre avant même de devoir à Molière. C'est dommage, mais quoi ? Tant pis pour lui. Oui, voilà la grande raison. Celle que l'on dit. Croyez-vous ? Je crois surtout que cette excuse est facile. Je crois que nous sommes à peu près d'accord. Et puis nous n'avons pas tout vu. À Alexandre succède Andromaque, le premier chef-d'œuvre incontestable, et Britannicus, la pièce des connaisseurs. La faveur de la cour donne à Racine cette gloire qu'il recherchait si fort. Voici maintenant qu'on veut l'opposer à Corneille. Le sujet de Bérénice, suggéré par madame, est fait exprès pour lui. Mais j'en viens au plus grave. Vous savez qu'aux yeux des gens de religion, le théâtre était alors objet de scandale et d'abomination. Un des plus célèbres messieurs de Port-Royal, Nicole, le bon Nicole, dont on a pu dire qu'il n'a jamais su ce qu'était la guerre, avait commis l'imprudence de publier quelques pamphlets dans lesquels il attaquait le roman et le théâtre en général. N'écrivait-il pas ? Un faiseur de romans et un poète de théâtre est un empoisonneur public, non des corps, mais des âmes, des fidèles, qui se doit regarder comme coupable d'une infinité d'homicides spirituels, ou qu'il a causé en effet, ou qu'il a pu causer par ses écrits pernicieux. Plus il a eu soin de couvrir d'un voile d'honnêteté les passions criminelles qu'il y décrit, plus il les a rendues dangereuses et capables de surprendre et de corrompre les âmes simples et innocentes. Ces sortes de péchés sont d'autant plus effroyables qu'ils sont toujours subsistants, parce que ces livres ne périssent pas et qu'ils répandent toujours le même venin dans ceux qui les lisent. Racine dut en être ulcéré. Écoutez un peu comment je leur réponds. Vous pouviez employer des termes plus doux que ces mots d'empoisonneurs publics et de gens horribles parmi les chrétiens. Pensez-vous que l'on vous en croit sur votre parole ? Non, non, monsieur, on n'est point accoutumé à vous croire si légèrement. Il y a 20 ans que vous dites tous les jours que les saintes propositions ne sont pas dans Jansénius. Cependant, on ne vous croit pas encore. Et ceci, tenez. Qu'une femme fût dans le désordre, qu'un homme fût dans la débauche, s'il se disait de vos amis, vous espériez toujours de leur salut. S'il vous était peu favorable, quelque vertueux qu'ils fussent, vous appréhendiez toujours le jugement de Dieu pour eux. Et encore, Dites-moi, monsieur, que faisait dans le monde monsieur le maître? Il plaidait, il faisait des vers. Tout cela est également profane, selon vos maximes. Il avoue aussi dans une lettre qu'il a été dans le dérèglement et qu'il s'est retiré chez vous pour pleurer ses crimes. Comment donc avez-vous souffert qu'il ait tant fait de traductions, tant de livres sur les matières de la grâce? Oui, il y a dans ces morceaux bien de l'esprit et du style. Vous ne dites rien de plus? Mais enfin, songez un peu. Voilà des années que l'on me persécute. Comme si mon état n'était pas le plus honorable du monde, ou que je n'y fisse pas honneur. On m'excède à la fin. Mais si vous avez raison, et je ne doute pas un instant que ce ne soit le cas pour ce qui est du théâtre, à quoi bon prendre la querelle tellement à cœur? Pourquoi ce ton de passion et d'invective? Vous rendez 10 coups pour un qui vous a effleuré. Je vous le répète, on m'ennuie, il faut que cela cesse. Je ne crois pas que ce soit à vous qu'on en est. Seulement au théâtre. C'est la même chose. Et que fit Racine? Il suivit le conseil de son ami Boileau et ne publia pas cette seconde lettre. À la bonne heure. Quoi qu'il en soit, nous voici loin de ce tendre Racine dont on a tant parlé. Qu'en savez-vous? Il y a toujours chez un être passionné des moments secrets pour la tendresse, comme il y en a pour la colère ou l'ambition. Tendre Racine? Oui, sans nul doute. À condition pourtant d'ajouter aussitôt « cruelle Racine ». Et 20 autres adjectifs souvent contradictoires, mais qui tous également lui conviennent. Et prenez-y bien garde. Toutes ces contradictions apparentes viennent se résoudre et se fondre en son œuvre, comme en une mer commune des fleuves opposés. Écoutons Racine lui-même. Sa fureur. Où suis-je? Qu'ai-je fait? Que dois-je faire encore? Quel transport me saisit, quel chagrin me dévore. Errant et sans dessein, je cours dans ce palais. Ne puis-je savoir si j'aime ou si je hais? La superbe. Certes, plus je médite et moins je me figure que vous m'osiez compter pour votre créature, vous, dont j'ai pu laisser vieillir l'ambition dans les honneurs obscurs de quelques légions. Et moi, qui sur le trône ai suivi mes ancêtres, moi, fille, femme, sœur et mère de vos maîtres. La cruauté, à travers le chantage le plus froidement calculé, le plus abject. Eh bien, madame, eh bien, il faut vous obéir, il faut vous oublier, ou plutôt vous haïr. Oui, mes vœux ont trop loin poussé leur violence pour ne plus s'arrêter que dans l'indifférence. Songez-y bien. Il faut désormais que mon cœur, s'il n'aime avec transport, haïsse avec fureur. Je n'épargnerai rien dans ma juste colère. Le Fils me répondra des mépris de la mère. La tendresse. Nous y voici enfin. Je l'aime, je le fuis. Titus m'aime, il me quitte. Portez loin de mes yeux vos soupirs et vos fers. Adieu. Servons tous trois d'exemple à l'univers de l'amour la plus tendre et la plus malheureuse dont il puisse garder l'histoire douloureuse. Tout est prêt. On m'attend. Ne suivez point mes pas. Le mystère. Dieu, que ne suis-je assise à l'ombre des forêts? Quand pourrais-je au travers d'une noble poussière suivre de l'œil un char fuyant dans la carrière? L'absolu de la passion humaine. J'ai voulu te paraître odieuse, inhumaine. Pour mieux te résister, j'ai recherché ta haine. De quoi m'ont profité mes inutiles soins? Tu me haïssais plus, je ne t'aimais pas moins. Tes malheurs te prêtaient encore de nouveaux charmes. J'ai langui, j'ai séché, dans les feux, dans les larmes. Et cette autre passion de l'orgueil, qui peut dresser l'être humain sans espoir contre Dieu lui-même. Dieu des Juifs, tu l'emportes. Oui, c'est Joas. Je cherche en vain à me tromper. Je reconnais l'endroit où je le fis frapper. Je vois de Cosias et le port et le geste. Tout me retrace enfin un sang que je déteste. David, David triomphe. Achab seul est détruit. Impitoyable Dieu, toi seul as tout conduit. Voilà un singulier raccourci. Arbitraire, peut-être, mais je ne le crois pas inutile. Considérez plutôt cette carrière d'exception. Depuis ses premiers chefs-d'œuvre, quelques 10 ans suffisent à conduire le jeune Racine de tragédie en tragédie, de triomphe en triomphe, apparent du moins mais sans cesse menacé, jusqu'à la crise centrale, au nœud véritable de sa destinée. Tout ce qu'il fut l'achemine vers cette heure d'épreuve et de vérité, comme d'elle part ensuite tout ce qui lui reste à être. C'est le point crucial où toutes ces lignes de force apparemment contradictoires se rejoignent, s'affrontent, se brisent pour finalement se fondre, à jamais simplifier. C'est en un mot la grande scène de la tragédie que Racine n'a jamais écrite, la seule qu'il n'eût pas pu écrire, puisqu'il lui appartenait de la vivre, la sienne. Monsieur, je vous rencontre. Alors, que dites-vous de Phèdre ? Laquelle ? Puisqu'il y en a deux à la fois. Celle de Racine ? Non, celle de Pradon. Il paraît qu'elle est bien supérieure. Oui, c'est en effet le bruit qui court. Vous avouerai-je que je n'ai encore vu ni l'une ni l'autre. Moi non plus. Mais je suis toute prête à soutenir que la tragédie de Pradon est un chef-d'œuvre. Tout le monde la loue. Voilà en effet une grande raison. Toutefois, je me suis laissé dire aussi que Madame la Duchesse de Bouillon avait beaucoup fait pour sa gloire. Monsieur Racine n'est pas de ses amis. Et pourquoi cela ? Il aurait dédaigné son salon pour d'autres et son appui. Ce genre d'affront ne pardonne pas. Ajoutez-y que Madame de Bouillon aime tant son frère, Monsieur le Duc de Nevers, que dans la passion de Phèdre pour son beau-fils, elle aurait cru voir une allusion qui lui a fort déplu. Bref, on est allé chercher Pradon à Rouen, on l'a inventé, on lui a fait écrire au plus vite une Phèdre à opposer à celle de Racine. Oh, il se peut bien, après tout, que la sienne soit meilleure. Ajoutez que Racine a eu si grand peur qu'il a cherché par tous les moyens, mais sans succès, à obtenir du roi l'interdiction de l'œuvre de son rival. Enfin, on le dit. Ajoutez aussi que Madame de Bouillon aurait loué des salles entières pour assurer le succès de son protégé et l'échec de Monsieur Racine, et qu'il lui en aurait coûté 15 000 livres. On le dit. On dit à ce que je m'attends de choses qu'il est bien difficile de se faire une opinion. Il faudra décidément que nous allions voir cette Phèdre de Pradon. Oui, peut-être même l'autre. Racine est tout d'abord exaspéré de la cabale et du sort injuste, fait à un chef-d'œuvre manifeste au profit d'un ouvrage médiocre. Son ami Boileau prend son parti avec feu. Ensemble, ils écrivent ou inspirent contre leurs ennemis un sonnet assez cinglant pour que le grand Condé lui-même juge prudent de les assurer de sa protection. Mais bientôt, Racine renonce à lutter de cette manière et le ton change étrangement. Nous sommes en février 1677. C'est le hasard, mademoiselle, qui nous fait rencontrer. Dites plutôt que c'est la peine où nous sommes de notre ami qui nous pousse à venir le chercher jusque chez lui. Mais cela est vrai. Quoi qu'il en soit, je vois là l'occasion de vous dire enfin à quel point je vous ai trouvé admirable. Vous êtes trop bon, monsieur Boileau. Car s'il se fût agi de Bérénice, d'Athalide, de Monime ou d'Iphigénie, j'aurais pu prendre le compliment pour moi. Ces personnages-là étaient encore de ceux qui se laissent maîtriser. Mais de Phèdre, voyez-vous, je me suis sentie aussitôt possédée. Aussi est-ce à faire que doit aller tout votre éloge, et non pas à Champmêlé. Je sens ce que vous voulez dire. Oui, vous êtes de ceux que Phèdre emporte après soi dans sa passion, de ceux qui acceptent de se laisser prendre. Comment pourrait-on s'en empêcher? Mais si on le peut. Il paraît qu'on le peut, certains du moins. Nous ne le savons que trop. C'est trop injuste. Il n'est de sourds que ceux qui refusent d'entendre. Voulez-vous encore parler de cette cabale absurde? Elle nous a fait beaucoup de mal. Ceux qui y ont pris part ont l'esprit fatalement médiocre. Et je ne parle pas de leur cœur. La tragédie de Racine ne pouvait donc être pour eux. Ils s'en sont fait faire une à leur mesure. On a la Phèdre qu'on mérite. Il n'empêche qu'il nous ennuie. Où voyez-vous que soit le mal? Quelques représentations gâchées, sans doute. Des salles entières achetées pour être vides. Mais la gloire qui nous occupe n'est pas celle d'une saison. Et ne vous apparaît-il pas déjà que tant de zèle et d'argent dépensés contre Racine, je ne dis même pas pour Pradon, il s'agit bien de lui, que tant de soins inspirés par le fiel ont manqué leur objet. Que la faveur publique reconnaît peu à peu la grandeur véritable et rejette le médiocre dans l'ombre équitable d'où il n'eût jamais dû sortir. Chaque jour qui passe fortifie notre cause. Non, croyez-moi, de quelque façon que l'on envisage les choses, ce n'est pas un échec. Je le crois volontiers, mais pour vous, monsieur Boileau, qui voyez tout de haut, la patience est facile. Nous autres comédiens sommes les soldats de cette bataille-là. Il faut se battre à chaque fois contre le vide ou l'hostilité. Vous ne soupçonnez même pas la sottise et la méchanceté de ceux qui vont au théâtre sans l'aimer. Il y a quelques soirs, tenez, à peine avais-je prononcé ces vers. Noble et brillant auteur d'une triste famille, toi, dont ma mère osait se vanter d'être fille, qui peut-être rougit du trouble où tu me vois. Soleil, je te viens voir pour la dernière fois. À peine les avais-je prononcés, qu'un rire aigu de femme, un rire absurde, odieux, se fait entendre dans la salle, l'espace d'un instant. J'étais debout au bord de la scène, prêt au vertige, devant cet ennemi obscur. Aussitôt raidi sous le fang, je me sens submergé d'une honte sacrée, déchiré de douleur. Mes yeux s'emplissent de larmes brûlantes. Alors je deviens, oui, je deviens vraiment cette Phèdre de fureur et de désespoir. Ce texte dont je suis pleine est maintenant de moi. Je l'invente. Dans l'ivresse, chaque mot se fait cri, va au-delà du précédent, toujours au-delà, dans une nuit palpitante striée d'éclairs bleus. Je m'élance au-delà des mots, au-delà de moi-même. Je m'épuise. Il me semble défaillir et pourtant je m'efforce de durer, de porter jusqu'au bout ce personnage insoutenable, d'aller jusqu'au dernier de ces vers dont chacun est comme la note la plus haute, la plus pure que l'amour ait jamais arrachée au désespoir. Enfin, je meurs, anéanti. Et je me sens revivre devant une salle tout entière debout qui m'acclame. Non, qui acclame Phèdre. Vous voyez bien, armée d'elle, vous étiez toute puissante. Ce soir-là, oui. Mais tous les autres, je n'ai pas toujours la force de convaincre et de vaincre ceux qui, comme vous le disiez, refusent de m'entendre. Mais pourtant, ne les sentez-vous pas faiblir? Depuis quelque temps, c'est vrai. Mais ce n'est pas moi qu'il est nécessaire d'en persuader. De cette malheureuse affaire, ce n'est pas moi la plus atteinte. Je le sais. Notre ami s'en est montré bien affecté. Dites plutôt qu'il n'en a laissé rien paraître. Oh, certes, il n'a pas eu de plainte vive. Mais pour nous qui le connaissons, cette retraite à peu près complète où il s'est enfermé, cet éloignement à nouveau du monde, disent assez combien il a été touché. La chute est rude. Et puis, vous savez comme il est facile de le blesser. Sincèrement, monsieur, que pensez-vous? Que le destin nous attend toujours où nous ne l'attendions pas, et qu'il frappe Racine, en doutiez-vous, à propos d'un chef-d'œuvre. La porte s'ouvre. Attendez un instant, mademoiselle, et permettez-moi de vous saluer. Pour notre ami, quelque chose me dit que nous ne devons pas le rencontrer ensemble. Je ne suis que du côté de son esprit. Vous êtes, vous, de celui de son cœur. Il vous attend plus que moi. Je reviendrai tantôt. Ainsi, Vous êtes là. Doutiez-vous de me revoir? Je doute beaucoup depuis quelque temps. Même de moi? De mon amitié, de mon dévouement? De votre amitié, de votre dévouement? Non. Même s'il m'est venu des incertitudes sur vous, voilà peu. Vous avez fait en sorte de me les ôter, pour toujours. Et j'en suis à me demander s'il faut dire « hélas » ou bien « heureusement ». Ne soyez pas inutilement cruel. Cruel, moi? Non. Mais c'est l'amour. L'amour dont vous n'osez même plus dire le nom, qui est toujours cruel, à un certain moment. Ne fût-ce que pour mourir. Et puis, est-ce bien à vous à me faire ce reproche? Je ne vous fais aucun reproche, mon ami. Et souhaite qu'il n'y en ait jamais entre nous. Comment ne pas souscrire à une si sage précaution? Aussi ne vous en ferai-je pas non plus, si c'est là ce que vous voulez dire, à l'heure où vous m'avez abandonné. Vous savez qu'il n'en est rien. Et je me bats constamment pour vous. Ce n'est pas à l'actrice que je parlais, mais à la femme. Et je vous redis sans colère que vous m'avez abandonné. Au moment, c'est étrange, où tout semble m'abandonner. Tout. C'est-à-dire le théâtre, dont, après tout, vous faites aussi partie. Je sais que l'amour n'aime pas beaucoup l'échec. Si le sort de Phèdre eût été différent, peut-être, me seriez-vous resté. Sérieusement, le croyez-vous? Peut-être. Mais ce n'est pas à vous que j'en ai. Nous nous sommes aimés, c'est vrai. Et oseriez-vous dire que je n'ai pas aimé mieux que vous? Et surtout, plus longtemps. Mais presque tous les mouvements de notre cœur sont basés sur des malentendus. Et le moment vient toujours où l'on s'en aperçoit, gardant à la bouche un goût de cendre. C'est ainsi que nous nous sommes dépris peu à peu l'un de l'autre, sans trop de douleur. Et cela peut-être nous épargne aujourd'hui d'en avoir davantage. Je vous sens loin de moi, étranger. Puisque vous me voulez entièrement sincère, il est vrai que je vous ai quitté. Mais ne m'aviez-vous pas donné certaines raisons de le faire? Et en cet instant, enfin, n'est-ce pas vous-même qui m'abandonnez? Voilà un étrange reproche. Surtout si l'on sait que la Champmêlée, après avoir longtemps trompé Racine avec des amants de rencontre, le quittait effectivement tout à fait pour Monsieur de Clermont-Tonnerre. Et cela au moment même où le succès semblait délaisser le poète. Reconnaissons toutefois que cet amour imparfait s'était usé. Il ne lui restait plus qu'à finir. Il finissait mal et au plus mauvais moment. Voilà tout. Lorsque 8 ans plus tôt, une mort douteuse lui avait ravi Marquise du Parc, Racine avait connu un véritable désespoir. Et puis, il en avait guéri. Pour la Champmêlée, il n'aurait pas de désespoir. La crise qu'il traversait avait bien d'autres causes dont il devait s'ouvrir à son ami Boileau. Si je suis venu vous parler aujourd'hui, Racine, si je me suis permis, et même commandé comme un devoir de l'amitié, de rompre votre solitude, c'est afin de vous comprendre mieux. Me le pardonnerez-vous? Je vous en sais gré, connaissant votre réserve. Comment? On vous attaque. On cherche à vous nuire de 100 façons. Cependant, vous vous taisez. Et moi, je m'étonne. Ne vous reconnaissant plus tel que je vous ai toujours vu, railleur, inquiet, jaloux et voluptueux. Vous n'étiez alors pas tendre à vos ennemis? Dites que je me donnais pour eux le mal de les combattre. C'était leur attribut bien de l'importance. Il m'a semblé plus simple de les ignorer. Voilà du détachement. Peut-être. Mais un temps est pour la riposte et un temps pour le silence, qui est le plus fort. Considérez aussi que j'avais autrefois ma vie à faire, du moins je le croyais, avec certains et contre d'autres. Eh bien, à présent, ma vie est faite. Qu'entendez-vous par là? Tout est toujours à défendre, ne le voyez-vous pas? Tout est toujours à conquérir, perpétuellement remis en cause. Il n'est de vrai repos que dans la postérité. Ne croyez pas que je l'oublie. Toujours plus loin et plus haut. Voilà à quoi je visais. Au-delà de toute force humaine, au-delà de moi-même. Parmi tant d'inimitiés et d'envieux qui me guettaient, je me voyais condamné à sans cesse me surpasser. Chacune de mes œuvres nouvelles m'était une sorte de pari désespéré, dans lequel il me fallait bien accepter de remettre en jeu tout le gain des précédentes. Il en a été ainsi, jusqu'à ce jour où j'ai fini par perdre mon pari. Cela aussi devait venir. Mais croyez-vous avoir vraiment perdu? La moindre critique m'avoue, le savait toujours causer plus de chagrin que les plus grandes louanges ne me donnaient de plaisir. Mais enfin, il faut voir les choses de plus haut. L'avenir dira ce qui dans cette aventure a été perdu et ce qui a été gagné. Et par qui? Quoi qu'il en soit, je la remercie de m'avoir imposé cette halte et cette réflexion au milieu de mon âge. J'ai, voyez-vous, 38 ans, c'est le moment du retour sur soi. Déjà? Ne dites pas déjà. Il est parfois plus tard qu'on ne croit. Il faut alors se hâter. Dans l'ombre, quelqu'un peut-être m'a fait signe. Donc je me suis interrogé. À la lumière de ma première défaite, j'ai vu ma vie. Je l'ai jugée. Je me suis dit, n'était-ce donc que cela ma gloire? Ce peu de considération mondaine qui, à la première occasion, s'effrite? Mais n'en va-t-il pas ainsi de tout bénéfice terrestre? Et c'est bien ce que je lui reproche. Nous autres poètes ne sommes que trop enclins à considérer notre renommée comme infiniment supérieure au bien de ce monde, immatériel, immortel, intangible. Cependant, il n'en est rien. Et je sais à présent qu'il n'en est rien. Elle n'est qu'un bien de ce monde, à peine préférable aux autres. Et que sert à l'homme de conquérir le monde s'il vient à perdre son âme? Voilà ce que m'avait fait oublier ma trop grande jeunesse. Oh, je sais encore ce que je dois à ma gloire, si incertaine soit-elle. Et je sais ce que je me dois à moi-même. Mais à 20 ans... je m'inventais des raisons où l'orgueil avait sa part, tout comme la naïveté. Je me disais par exemple, ne suis-je pas comptable à Dieu des dons qu'il lui a plu de m'accorder? Sans doute étais-je sincère, mais je m'en suis autorisé pour hasarder certaines choses qui étaient assurément contre Dieu et se sont depuis retournées contre moi. De nos jours, hélas, mériter ne suffit pas à défaut de naissance. Il faut d'abord plaire. Je m'y suis longtemps efforcé, par beaucoup de moyens. La plupart font ainsi. Ils ont tort. Et puis, croyez-vous que je m'en serais toujours contenté? Mais cependant, ne voyez-vous pas qu'alors, même l'Église vous a confié des bénéfices? Et accordez, vous pouvez le dire, au temps de mes plus grands égarements, ce que, sage à usesse, elle m'avait refusé, sans doute. Mais cela aussi est du monde, dont il m'est venu depuis peu un grand éloignement. J'ai été saisi de cette pensée. J'aurais donc brûlé 15 ans et brûlé en vain. Pour une gloire aujourd'hui dépréciée, j'ai compromis cette part d'éternité qui m'était promise. Et je m'interrogeais, dans ce jeu de dupes, aurais-je donc tout perdu? Je me sens parfois, c'est étrange, comme en deuil de moi-même. Et puis pourquoi ne pas l'avouer, enfin? Je suis là. Un seul échec, aux yeux des sots, aurait-il suffi à vous abattre? Le croyez-vous? Ce serait mal me connaître. Non. Il n'est de défaite véritable que l'abandon de soi. Et les hommes de mon espèce vont jusqu'au bout de leur chemin. Ils ne s'arrêtent qu'une fois accomplis. Ma vie est faite, vous disais-je tout à l'heure, et mon œuvre est faite. Voilà ce que m'ont enseigné ces dernières semaines. J'hésite à vous comprendre. Et je sais, moi, que vous m'avez compris. Réfléchissez. Je vous disais que j'essayais, à travers chaque ouvrage et chaque personnage, d'aller au-delà de tout ce qui les avait précédés et au-delà de mes propres ressources. Il y a des limites. On atteint ces limites. Il importe surtout de les connaître. À peine eus-je abordé et comme étreint ce personnage inouï de Phèdre, comme on touche une terre inconnue, que pour la première fois je me sentis dominé. Une autre voix, et c'était la sienne, me parlait par ma bouche. Elle était plus forte que moi. Elle commandait. Ainsi, dès ses premiers mots, balbutié dans le délire. Et c'est ainsi que tout a commencé. Cet étrange quelqu'un, voilà peu, m'a dit sur Phèdre des phrases qui avaient la même résonance. Ah ? Et qui donc était-ce ? Vous vous taisez. Je le devine donc. Chormelée. En elle, je m'étais habitué à voir toutes mes créatures. Ne l'ayant plus, je crois perdre à la fois Hermione, Bérénice, Iphigénie. Mais non pas Phèdre, pourtant. Il semble, on pourrait croire, que tout m'abandonne en même temps. Mais non pas Phèdre. Et c'est comme un adieu qui serait aussi un commencement. Où allez-vous, Racine ? Un instant encore. Qu'aurais-je pu faire, je vous le demande, après cette Phèdre dévorante que le monde refuse ? Avec elle, j'étais allé aussi loin que possible. Au-delà, il n'y avait plus rien. Ou plutôt, c'était la nuit. Et cette nuit, que cache-t-elle ? Voilà ce que maintenant il me faut découvrir. On m'a donné des loisirs pour cela. Et je ne puis m'empêcher de me dire, le triomphe de ma tragédie sans doute m'eût embarrassé, en m'assignant mes limites sans m'ôter le désir d'une nouvelle épreuve où je me fusse brisé. Son échec m'éclaire en me montrant la voie. Où allez-vous, Racine ? Je ne vous répondrai que peu à peu, comme je me suis répondu à moi-même. Ce chemin nouveau n'est pas de ceux qui se découvrent d'un coup et tout entier. Il n'est pas sans tâtonnement. Vous savez que j'ai longtemps travaillé à ma Phèdre. Cette aventure a commencé pour moi par une approche mystérieuse et presque redoutable. Sans oser me l'avouer, je sentais obscurément que cette Phèdre-là serait ma perte aux yeux du monde. Mais je ne pouvais la concevoir ou la souhaiter autre qu'elle ne s'imposait à moi. En elle, ma vie et ma mort. Et ce débat désormais avec moi-même. Qui suis-je ? D'où est-ce que je viens ? Où est-ce que je vais, comme vous le demandiez ? Oui. Où est-ce que je vais ? Je le sais à présent. Je ne suis ici que pour vous écouter. Aussi longtemps que je n'étais pas sûr de moi, il me convenait de me taire. Mais maintenant, les jeux sont faits. Phèdre s'est saisie de moi. Elle m'a entraîné dans l'inconnu, aussi loin qu'elle s'enfonçait elle-même. Par elle, j'ai touché du doigt l'enfer de la passion humaine. Mais pour croire à l'enfer, il faut accepter aussi de croire au ciel, ou bien d'y revenir. Cet abominable Phèdre, cet être monstrueux et torturé et pitoyable. Si vous saviez combien je l'ai chérie, elle a été l'enfant de mes nuits, mon arbre du bien et du mal. Depuis longtemps déjà, je trouvais deux hommes en moi, celui du monde et celui de réflexion qui en est tout le contraire. C'était trop d'un. Achevé. Tout embrassé, tout possédé. Humain, trop humain, hélas. Ayant aimé avec passion toute chose de ce monde, et aspirant infiniment à toutes celles de l'autre. Étant allé au bout de toutes les expériences terrestres, ayant goûté à tous les fruits et en ayant épuisé le suc, à tel point que ma détermination m'apparaît sans mérite. C'est en pleine conscience que je fais aujourd'hui à Dieu le sacrifice de mon théâtre, dont je n'ai plus rien à espérer. Je vous attendais là, et là je vous retrouve, vous qui jamais ne sûtes vous arrêter à un moyen terme, ou transiger, fût-ce avec le ciel. Comprenez que mon cœur et ma raison me poussent en même temps à ce parti, que certains diraient désespéré, mais où je ne vois, moi, que de l'espoir. J'ai trop longtemps vécu pour le théâtre, il faut penser à soi, entendez, à son salut. Et puis je vous le répète, mon œuvre est achevée. J'aurais souffert de me survivre, comme certains. Je me sauve, au contraire, quittant la poésie pour entrer dans le silence de Dieu. Je veux acheter à ce prix mon repos dans ce monde et mon repos éternel. Est-ce donc là ce qu'on nomme la grâce? La mienne, en tout cas. N'en doutez pas. Et puis, vous échapperait-il que je suis tout environné de signes? Tout ce qui comptait pour moi, et comptait trop, me quitte, à l'heure où d'autres objets plus dignes viennent me solliciter. N'avez-vous pas remarqué aussi comme notre roi a changé depuis quelque temps? Comme il semble revenu de certaines futilités, pour s'acheminer à une gravité et même à une austérité qui lui sied davantage. Pourquoi ne suivrais-je pas un exemple venu de si haut? On m'a dit parfois que je lui ressemble. C'est vrai. Je reconnais en vous la même exigence, le goût de tout ce qui est grand et difficile. Il y a autre chose. Cette charge d'historiographe dont on nous a parlé et que Sa Majesté songerait à nous confier. Madame de Montespan s'y emploie et le projet se confirme. Je voulais justement vous l'annoncer. Me voyez-vous dédaigner un titre qui m'assure à ce point la faveur du roi? Aussi bien n'aurais-je que trop peu de temps pour me consacrer à cette tâche et la remplir de façon satisfaisante. Voyez-vous, par là aussi mon intérêt dans ce monde et mon intérêt dans l'autre se conjuguent pour m'ordonner de renoncer à une vie frivole et de m'attacher tout entier aux seules choses vraiment grandes et dignes de faire l'objet d'une vie. N'aurez-vous jamais de regrets? Et une telle détermination ne peut se prendre que du cœur le plus égal. Je passerai donc le reste de mes jours à faire ma cour au roi et à Dieu, qui est le plus grand de tous. Certains seront tentés de voir là une conversion toute bête, d'autres une marque de dépit, d'autres encore, et ce ne seront pas les moins nombreux, croiront que je cède à la seule volonté du roi et à la considération de mes intérêts. Mais notre cœur se détermine rarement sur une seule raison simple. Vous saurez qu'il y a dans ma décision de tout cela, sans doute, et bien d'autres choses encore, que j'ai moi-même grand-peine à démêler. Aussi voyez-vous que cette malheureuse cabale est moins la cause de ma retraite qu'elle n'en est l'occasion. Elle m'a été surtout un avertissement. À travers Phèdre, c'est Dieu qui m'a fait signe. On ne vous arrêtera plus sur cette voie. On ne m'arrêtera plus, je ne m'arrêterai plus. Mais il me faut d'abord mettre mes affaires en ordre. Et il en est une surtout qui m'importe fort. Elle touche de très près à ce que je vous ai dit. Vous rappelez-vous cette vieille querelle des imaginaires et les libelles que j'écrivis alors? Comment l'aurais-je oublié? Il est vrai que vous m'en avez assez désapprouvé. Et vous faisiez bien. Je m'attaquais à ceux, hélas, à qui je dois le plus. Les maîtres de ma jeunesse et de toute ma vie. Le docteur Hamon. Ces messieurs le maître. Arnaud, Nicole. Je tiens aujourd'hui cette action pour la plus honteuse de mon existence. La seule peut-être dont j'ai à rougir. Mais j'en rougis. Vous êtes à présent sévère pour vous-même comme vous l'étiez autrefois pour les autres. Toujours cette rigueur obstinée. Pourquoi devrais-je m'épargner? Faisant le mal, je n'avais même pas l'excuse de l'ignorer. Sans doute est-ce pour cela que, de toute manière, je cherchais à m'étourdir. En vain. J'ai voulu me délivrer de Port-Royal et ce faisant n'ai pu réussir qu'à me soumettre aux chaînes de la passion. Le moment est venu pour moi de faire amende honorable et de rejoindre enfin le Dieu de mon enfance. Car c'est lui, celui qui habite ces saintes demeures du silence, parmi ces anges mortels que j'ai connus, puis méconnus, puis offensés, et qui, malgré tout, n'ont cessé de me tendre les bras. À qui pensez-vous ? À tous. Mais plus particulièrement à ma mère Agnès de Sainte-Thècle, qui la première m'apprit à connaître Dieu, et jamais depuis ne m'a abandonné. Si je ne suis que son neveu, elle m'a pourtant toujours aimé comme un fils. Savez-vous que j'ai vu M. Arnaud, voilà peu, et qu'il m'a parlé de vous ? Que vous a-t-il dit ? Rien qui ne doive vous encourager à ce rapprochement. Cet homme, si rigoureux, n'a pas eu pour vous un mot sévère. Même si éloigné soit-il de ces choses, il ne m'a pas caché qu'il avait trouvé votre Phèdre parfaitement belle et chrétienne d'inspiration. Ce sont ses propres termes. Quoi, il l'a lu ? À vrai dire, je la lui avais portée moi-même. Ah, Boileau, je reconnais là votre amitié. Et que de joie vous me causez. Je savais bien qu'il comprendrait, que lui du moins comprendrait. Vous n'avez lieu en effet de douter ni du cœur ni de l'esprit d'aucun de ces messieurs. Monsieur de Sacy vous est déjà tout acquis. Monsieur Nicole aussi. Lui que j'ai si fort offensé. Oh, sa nature l'incline plus que tout autre à l'indulgence et au pardon. Quant à monsieur Arnaud lui-même... Oui, vous l'avouerai-je. C'est encore lui que je redoute le plus. C'est lui qu'il faudrait surtout gagner à ma cause. Je vous répète qu'il l'est déjà plus qu'à demi. Il n'est pas non plus de ceux qui se complaisent dans les rancunes vulgaires. Aussi n'aurais-je pas trop de crainte si c'eût été à lui-même que je me fusse attaqué, au lieu de sa sœur, la mère Angélique, que j'ai cruellement et injustement raillée. Mais cela est loin déjà, je vous conseille de n'y plus penser. Ce que vous pourrez faire désormais pour Port-Royal l'emporte infiniment sur le peu que vous avez voulu ou cru faire autrefois contre lui. N'en doutez pas. Savez-vous, à propos, que je viens d'achever ma préface de Phèdre, et de telle façon que ces messieurs s'en tiennent pour satisfaits. Tenez, écoutez plutôt. Ce que je puis assurer, c'est que je n'ai point fait de tragédie où la vertu soit plus mise au jour que dans celle-ci. Les moindres fautes y sont sévèrement punies. La seule pensée du crime y est regardée avec autant d'horreur que le crime même. Les faiblesses de l'amour y passent pour de vraies faiblesses. Les passions n'y sont présentées aux yeux que pour montrer tout le désordre dont elles sont cause. Et le vice y est peint partout avec des couleurs qui en font connaître et haïr la difformité. C'est là proprement le but que tout homme qui travaille pour le public doit se proposer. Et encore ceci. Ce serait peut-être un moyen de réconcilier la tragédie avec quantité de personnes célèbres par leur piété et par leur doctrine, qui l'ont condamnée dans ces derniers temps, et qui en jugeraient sans doute plus favorablement, si les auteurs songeaient autant à instruire leurs spectateurs qu'à les divertir, et s'ils suivaient en cela la véritable intention de la tragédie. Eh bien, qu'en dites-vous ? Que ceux pour qui vous avez écrit ces lignes ne peuvent pas ne pas s'y reconnaître, et vous en savoir gré. Voilà une page qui efface bien votre malheureux pamphlet de jadis. Tel était précisément mon dessein. Et puisque vous le jugez rempli, je voudrais demander à votre amitié un service de plus. Celui d'aller faire ma paix avec ces messieurs. Et je vous l'aurais proposé de moi-même. Dites-leur que ma vie est de leur côté désormais. Et pour toujours. Comptez sur moi. Croyez-vous que les choses aient pu se passer aussi simplement ? Pourquoi pas ? Et qu'importe d'ailleurs ? Tout ce qui devait être dit entre ces deux amis l'a été assurément une fois ou l'autre. Et il demeure ceci. Les raisons qu'avait Racine de quitter le théâtre, ou comme il disait de préférence la poésie, étaient diverses et nombreuses. Et elles se sont trouvées rassemblées en ce moment de sa vie, au plus haut point d'instance, jusqu'à former une véritable conjuration de la Providence, ou du hasard, selon vos préférences. Pourquoi dès lors en adopter une seule au détriment des autres, pour s'en faire un système, quand chacune se fortifiait naturellement de toutes les autres? Comment Racine eût-il résisté à un courant si fort, où tout ce qui était extérieur à lui semblait s'unir à un mouvement profond et trop longtemps réfréné de son être? Comprenez aussi qu'il n'y eut pas pour lui de drame à proprement parler. Cette crise mûrissait de longue date. Il n'en manquait plus que l'occasion. Boileau savait cela, qui comprenait son ami même s'il ne l'approuvait pas sans réserve. C'était un homme d'esprit et de cœur et il s'acquitta de son ambassade auprès du grand Arnaud. Approchez, monsieur Despréaux. Je suis toujours bien content de vous voir. Vous le serez peut-être doublement quand vous saurez ce qui m'amène. Et si vous deviez ne pas l'être, alors mieux vaudrait que je ne fusse pas venu. Je crois vous entendre à demi-mot. On m'a chargé de vous parler. En ce cas, on a bien fait. Si peu que je sois, je m'efforce de répondre à toute attente. Celui au nom de qui je suis ici espère et redoute à la fois votre réponse. S'il vient vers nous, que pourrait-il craindre? Avons-nous jamais repoussé personne? Nous ne pouvons répondre de notre Dieu qui commande. Mais nous répondons de nous-mêmes vis-à-vis de nos frères. Mais si celui-là vous a gravement offensé? On n'offense jamais que Dieu, et il est seul juge de nos actes. Il nous appartient à nous de pardonner comme nous voulons être pardonnés. Et puis, celui dont nous parlons n'a jamais cessé tout à fait d'être notre enfant, jusque dans ses égarements, et notre fils le plus aimé peut-être, puisqu'il s'était perdu. Voyez-vous, lorsqu'en punition de fautes précédentes, Dieu nous abandonne à nous-mêmes et à la perversité de notre cœur, il n'est point d'excès où nous ne puissions nous porter, même en les détestant. Tout le malheur de votre ami vint de là, et c'est une grande leçon. Mais quand bien même il nous attaquait par un mouvement de sa sensibilité dans lequel il y avait bien du dépit amoureux, nous préférions l'inimitié de Racine à son indifférence. Elle était encore comme un lien entre nous. À travers ses blasphèmes, c'était encore Dieu qui nous frappait, et par sa bouche. Oui, quoi qu'il ait cru ou voulu, il ne nous a jamais complètement quittés. Et nous n'avons jamais désespéré de lui. Hasarder son âme éternelle pour servir une ambition périssable, ce genre d'erreur mortelle n'abuse pas toujours un être de sa qualité. Je vous ai connu plus rigoureux. C'est alors que j'avais tort, et je le confesse. Tel vous l'avez connu autrefois, tel il revient à vous. Il vous ressemble. Je le connais bien, l'inquiétude chrétienne est dans son cœur depuis l'enfance, et ne l'a jamais laissée. Il l'a sucée avec le lait de ses nourrices, avec les leçons de ses maîtres. Aussi ne se fût-il pas contenté d'une foi quelconque. Son Dieu n'est pas celui de la ville ou de Versailles. À l'auteur de Phèdre, il fallait votre religion, tragique et pure, qui exige beaucoup de l'homme sans rien lui garantir en retour. Phèdre, on en revient toujours là. Et je mérite, malgré moi. Cette païenne était donc pour lui le piège de Dieu. Et puis d'ailleurs, à quoi bon jouer sur les mots? Elle est chrétienne avant la lettre, cette prédestinée, cette juste à qui seule la grâce a manqué. Si vous osiez un mot de plus, vous conviendriez qu'elle est des vôtres, par le scrupule et le sens du péché. Ne vous y trompez pas, c'est une janséniste. Je vois en tout cas, en cette malheureuse, tout ce que son auteur a voulu y mettre de lui-même. Le désespoir de l'âme, qui malgré soi s'abîme. Un cri profond vers la lumière. Reconnaissez-le donc à ce cri. Voilà 10 ans que j'attendais ce retour. Et je vous étonnerai peut-être si je vous dis que je vois, dans la disgrâce apparente de notre ami au regard du monde, une démarche, un signe de la grâce divine pour le détourner du théâtre et le ramener à la religion. Une grâce ou une ruse? Ce peut être la même chose. À la grâce, tous les moyens sont bons. Je le crois, en effet, même si je ne partage pas en tout vos vues. Là où la faveur du monde abandonne Racine, nous pouvons, nous, le recueillir. N'est-ce pas le signe qu'il a déjà dépassé infiniment le siècle pour joindre la fin mystérieuse du chrétien? Alors recueillez-le. Ne tardez pas. Il se rend à vous sans réserve et cesse de lutter. Perdu pour la gloire éphémère du monde, le voici gagné à votre cause, à la promesse d'éternité qu'il y voit. Ainsi, soyez maintenant sans crainte de quelque prix qu'il ait à le payer, il ne cessera plus de vous suivre. Racine vint faire amende honorable. Il se jeta aux pieds d'Arnaud, Arnaud au sien, et les deux hommes s'embrassèrent. Et de ce jour, en effet, Racine ne cessera plus de suivre l'exemple de Port-Royal, ce Port-Royal dont il écrira l'histoire, et cela, quoi qu'il puisse lui en coûter parfois. Mais croyez-vous qu'il lui en coûta vraiment? Réfléchissez que son cœur était partagé entre les deux seules passions durables de sa vie. Le dieu janséniste de Port-Royal, qu'il aime, assure Madame de Sévigné, comme il avait aimé ses maîtresses, et son pire ennemi, le roi de Versailles, de plus en plus acquis aux jésuites. Dans cette constante épreuve, cependant, Racine ne faiblit pas, ne transigea pas, et jamais n'hésita à se compromettre pour ses amis, toujours plus menacés. Oui, quand sa passion était en jeu, il ne se souciait plus de sa sûreté ni de ses intérêts, et cela dément l'image d'un homme installé dans le confort physique d'une vie bourgeoise et le confort moral d'une religion accommodante et toute formelle. Ce Racine à s'agir reste un aventurier de l'âme, un amateur d'imprudence. Faut-il s'en étonner? La poésie, cette poésie qui en vérité ne l'abandonna jamais, n'est que hasard, goût du risque, d'un certain risque spirituel. Croyez-vous à la prédestination du génie? Vous devrez reconnaître alors que, comme les voies de la Providence, celles de la poésie sont impénétrables et peuvent passer même par le silence. Racine s'était demandé: que pourrais-je faire au théâtre après Phèdre? Eh bien, il pouvait encore écrire Athalie, et seulement Athalie. Mais pour cela, il lui fallait 15 ans de retraite et de réflexion. Il lui fallait prendre ce long chemin détourné qui, voyez comme c'est étrange, ne pouvait passer par le théâtre. Oublieriez-vous Esther? Je ne l'oublie pas, mais Esther n'était que la pièce de circonstance d'un écrivain de génie. On peut lui appliquer sa juste part de la phrase fameuse de Racine à la Maintenon. « J'ai fait, par votre ordre, plus de 3000 vers sur des sujets de piété. » Mais pour Athalie, il n'a pu recevoir d'ordre que de lui-même. Athalie, ce chef-d'œuvre d'une grandeur presque barbare, cette sœur révoltée de l'humble Phèdre, maintenue dans les voies du mal par un orgueil presque surhumain. Des deux femmes, c'est elle la vraie païenne et la seule damnée qui jusqu'au seuil de la mort ose blasphémer et défier le Dieu Tout-Puissant de la Bible. La vieille reine en guerre sans espoir contre lui, vaincue d'avance et le sentant obscurément mais ne renonçant pas et mourant seule, debout, pleine d'insolence et de majesté. Impitoyable Dieu! Toi seul as tout conduit. C'est toi qui, me flattant d'une vengeance aisée, m'as 20 fois en un jour à moi-même opposé. Tantôt, pour un enfant excitant mes remords, tantôt, m'éblouissant de tes riches trésors que j'ai craint de livrer aux flammes, au pillage. Qu'il règne donc, ce fils, ton soin et ton ouvrage, et que pour signaler son empire nouveau, on lui fasse en mon sein enfoncer le couteau. Voilà ce qu'en mourant lui souhaite sa mère. Que dis-je? Souhaiter! Je me flatte, j'espère, qu'indocile à ton joug, fatigué de ta loi, fidèle au sang d'Akab qu'il a reçu de moi, conforme à son aïeul, à son père semblable, on verra de David, l'héritier détestable, abolir tes honneurs, profaner ton autel et venger Athalie, Akab et Jézabel. En somme, cette païenne-là croit en Dieu, ne fût-ce que pour le maudire. Oui, et j'irai jusqu'à dire que de tous les personnages de la tragédie, c'est elle qui ressent le plus violemment, presque physiquement, sa présence et sa toute-puissance. Elle ne cesse de témoigner ainsi pour lui, contre elle-même, au prix d'elle-même. Vous devriez reconnaître qu'ici, Racine a bien renoncé à exprimer l'amour. L'amour, sans doute, mais non pas la passion. Et quelle passion ! Que de violence, de majesté, de crainte et de cruauté mêlées. Racine convertie exalte les sentiments grands, et non pas les bons sentiments. Écrivain sacré, ce n'est pas un auteur édifiant, mais un fauve de Dieu. Reconnaissons là l'auteur d'Andromaque, de Britannicus, de Phèdre. Et quant à l'amour, comment aurait-il pu jamais l'oublier ? Écoutez encore ceci. D'un cœur qui t'aime, mon Dieu, qui peut troubler la paix ? Il cherche en tout ta volonté suprême et ne se cherche jamais. Sur la terre, dans le ciel même, est-il d'autre bonheur que la tranquille paix d'un cœur qui t'aime ? Eh bien, a-t-on jamais eu pour célébrer l'amour de mots plus simplement sublimes ? Et cet éloge de l'amour sacré ne rejoint-il pas en l'égalant et en le surpassant peut-être le cantique profane de Bérénice ? Si, je l'avoue. Et s'il y a dans cette grande œuvre une rupture, j'en vois mieux maintenant la continuité. Il n'y a que continuité, celle d'une voix droite qui ne cesserait de s'élever en s'épurant. Dans les premiers temps de son œuvre, jusqu'à Phèdre, Racine avait pris le parti du théâtre, de son théâtre. Dans Esther, il sacrifie à celui du roi et de sa dévote favorite. Dans Athalie, enfin, ayant dépassé tout cela, il prend le seul parti de Dieu, de ce Dieu dont Sainte-Beuve pourra écrire qu'il est l'unique personnage de la tragédie. Alors, l'œuvre entière ayant atteint son sommet, se trouve enfin véritablement, définitivement achevée par cette réconciliation du théâtre avec Dieu. Racine pourra et devra se taire à jamais. Nous n'aurons plus de lui que certains de ses hymnes et de ses cantiques spirituels admirables qui sont les plus beaux poèmes sacrés de notre langue. Mon Dieu, quelle guerre cruelle! Je trouve deux hommes en moi. L'un veut que plein d'amour pour toi, mon cœur te soit toujours fidèle. L'autre à tes volontés rebelles me révolte contre ta voix. L'un tout esprit et tout céleste veut qu'au ciel sans cesse attaché et des biens éternels touchés, je compte pour rien tout le reste. Et l'autre par son poids funeste me tient vers la terre penchée. Hélas, en guerre avec moi-même, où pourrais-je trouver la paix ? Je veux et n'accomplis jamais. Je veux, mais, ô misère extrême, je ne fais pas le bien que j'aime, et je fais le mal que je hais. Ô grâce, ô rayon salutaire, viens me mettre avec moi d'accord, et domptant par un doux effort cet homme qui t'est si contraire, fais ton esclave volontaire de cet esclave de la mort. Louis XIV, dit-on, se reconnaissait volontiers dans ces deux hommes-là et n'a pas hésité à le proclamer. Et Racine lui-même. N'est-ce pas le résumé de tout son drame spirituel ? Certes. Et ce pourrait être de lui aussi qu'il a écrit ailleurs. Son âme heureusement captive sous ce joug trouve la paix. Nous approchons de la fin. Nous approchons de la fin. Sereinement, désormais, Racine poursuit vers la mort, c'est-à-dire vers le Dieu qui fut d'abord celui de son enfance, un chemin sans regret. Il a dépouillé, laissé derrière lui toutes ses passions terrestres, le théâtre d'abord et tout ce qui l'entourait, amour, ambition mondaine, puis le roi, son roi, pour qui il a toujours professé une extraordinaire dévotion. Mais enfin, après Esther, où il l'avait flatté, dans Athalie, il ose écrire. Ô mon fils, de ce nom j'ose encore vous nommer. Souffrez cette tendresse, et pardonnez aux larmes que m'arrachent pour vous de trop justes alarmes. Loin du trône nourri, de ce fatal honneur, hélas, vous ignorez le charme empoisonneur. De l'absolu pouvoir, vous ignorez l'ivresse, et des lâches flatteurs, la voix enchanteresse. Bientôt, ils vous diront que les plus saintes lois, maîtresses du vil peuple, obéissent au roi, qu'un roi n'a d'autre frein que sa volonté même, qu'il doit immoler tout à sa grandeur suprême, qu'aux larmes, au travail, le peuple est condamné, et d'un sceptre de fer veut être gouverné, que s'il n'est opprimé, tôt ou tard il opprime. Ainsi, de piège en piège, et d'abîme en abîme, corrompant de vos mœurs l'aimable pureté, ils vous feront enfin haïr la vérité, vous peindront la vertu sous une affreuse image. Hélas, ils ont des rois égarés le plus sage. De tels vers que la Révolution a applaudi et l'Empire interdit ne pouvaient guère plaire à Louis XIV. Et est-il vrai qu'à Madame de Maintenon, qui lui offrait d'intervenir en sa faveur auprès du roi, il n'est pas craint de répliquer ? Je sais, madame, quel est votre crédit. Et je sais quelle bonté vous avez pour moi. Mais j'ai une tante qui m'aime d'une façon bien différente. Cette sainte fille demande tous les jours à Dieu, pour moi, des disgrâces, des humiliations, des sujets de pénitence. Et elle a plus de crédit que vous. Oui, voilà ce que rapporte son fils Louis Racine. Singulier courtisan, n'est-il pas vrai ? Dont on a pu dire qu'il en faisait toujours trop, ou trop peu. Ce sont en tout cas les paroles d'un homme revenu de tout. Mais croyez-vous qu'il ait vraiment connu la disgrâce du roi, comme on le dit, et qu'il en soit mort désespéré ? Là où il était arrivé, il n'y avait plus de place en lui pour le désespoir. Quant à la disgrâce, elle n'aurait en tout cas jamais été éclatante. Il se peut que le roi se soit irrité de certaines maladresses, du zèle courageux, imprudent, que Racine n'a cessé de déployer en faveur de Port-Royal. Mais il se peut aussi qu'il se soit éloigné du poète d'un mouvement naturel, et précisément parce qu'il suivait au fond le même chemin, qui pour mieux joindre Dieu seul conduit peu à peu à la solitude humaine. Le poète et le roi vieillissant ne cessaient pas de se ressembler, mais cette ressemblance même, qui avait pu un temps les rapprocher, les conduisait maintenant au détachement. Quand le poète disparaît, cependant, le roi s'écrie en apercevant Boileau, l'ami fidèle, « Ah, Despréaux, nous avons beaucoup perdu, vous et moi, à la mort de Racine. » Et il s'enferme avec lui pour en parler, longuement, et de manière, rapporte Boileau, à donner envie aux courtisans de mourir. Bien plus, il respecte la volonté dernière de Racine, qui ne pouvait que lui déplaire. « Je désire qu'après ma mort, mon corps soit porté à Port-Royal des Champs et qu'il y soit inhumé dans le cimetière au pied de la fosse de M. Hamon. Je supplie très humblement la mère abbesse et les religieuses de vouloir bien m'accorder cet honneur, quoique je m'en reconnaisse très indigne. Et par les scandales de ma vie passée, et par le peu d'usage que j'ai fait de l'excellente éducation que j'ai reçue autrefois dans cette maison, et des grands exemples de piété et de pénitence que j'y ai vus, et dont je n'ai été qu'un stérile admirateur. Mais plus j'ai offensé Dieu, plus j'ai besoin des prières d'une si sainte communauté pour attirer sa miséricorde sur moi. La radiodiffusion télévision française vous a présenté dans la série « Écho du grand siècle » « Tendre racine » par Georges Saunier. Jean Levray était Jean Racine. Sylvia Montfort, La Champmêlée, Jean Topard, Boileau des Préaux, Pascal Mazotti, Le Bel Esprit, Yvonne Farvel, La Dame, Jacques Bretonnière, Monsieur Hamon, Lily Sioux et Jacques Fayet, Les Témoins. Participaient aussi à cette émission Maria Tamar, Bérangère Dautin, Maïla Federova, André Cellier et Marcel André dans le rôle du Grand Arnaud. Chef opérateur du son, Guy Louvet. Collaboration technique, Bernard Galli. Assistant, Victor Cleuet. C'était une émission de Lily Sioux, réalisée par Bronislav Horowitz. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 Nationale le 28 janvier 1963. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Je vais m'en aller, allez mon ami, je vais m'en aller vivre ma vie. De l'autre côté, je vais semer le doute et reprendre ma route, et reprendre ma route. Je t'ai tant aimé, aimé mon ami, je t'ai tant aimé que dans ma vie. Tu as fait ton nid, je m'envole quand même, adieu tristesse, il faut que je te laisse. J'ai laissé autant de larmes, larmes couler que j'ai laissé. Le navire chaviré, blessé, et par la vague vague emportée, oui, j'ai laissé mes rires se noyer. Je m'en vais, je vais mes larmes, larmes sécher, oui, je m'en vais, loin de toi ma peine. Si je m'en vais, c'est que l'orage, rage est passé, c'est que je sais qu'être heureux vaut la peine. Je vais m'en aller, ma belle ennemie, je vais m'en aller vivre ma vie. De l'autre côté, tu as semé le doute et j'ai fait fausse route, et j'ai fait fausse route. Je t'ai tant donné, donné ma peine, tant et tant d'années que je me traîne. À toi condamné, je m'évade quand même, adieu tristesse, il faut que je te laisse. J'ai laissé autant de rêves, rêves passés, je t'ai laissé me faire tout ce mal et le vent glacé. Et les hivers, hivers ont passé, puis déchiré le tissu de ma voile. Je m'en vais, je vais quitter, quitter le port, oui je m'en vais, loin de toi ma peine. Si je m'en vais, c'est que je rêve, rêve encore, c'est que je sais qu'être heureux vaut la peine. Je vais m'en aller, aller mon ami, je vais m'en aller vivre ma vie. Le vent a tourné, il a semé la haine, on oublie que l'on s'aime, on oublie que l'on s'aime. Je m'en vais semer, semer ma peine aux quatre vents, semer tant qu'il est temps. L'envie de s'aimer à l'enfant que je laisse, adieu tristesse, il faut que tu me laisses. Laisse-moi, moi le temps, le temps d'essayer, oui laisse-moi encore une chance, oui laisse-moi, moi le temps de trouver le peu de moi qui me sauvera. Je m'en vais, je mets les voiles, voiles encore, oui je m'en vais, loin de toi ma peine et du vent mauvais, et des vents froids et des vents forts, tant je sais qu'être heureux vaut la peine. Oui je pars, je veux le calme, calme trouver, oui loin de toi je serai sereine, je suis le phare et je n'ai qu'à me laisser guider. Il faut croire qu'être